بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الولاء والبراء والعلوص والدزابو للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تخرجي كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنيكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الأسئلة التي تتعلق بهذا الموضوع من الكتاب الولاء والبراء للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. طيب، كما نبهنا عليه comme on a dit on veut pas toutes les faire. Il y a par exemple là il y en a qui vient la question, on a dit répéter celle-là par rapport au comportement à avoir avec les amis, celui qui aurait des amis qui ne seraient pas sur le istiqama. Donc نفس الجواب. طيب الآن سؤال آخر قريب من هذا المعنى لكن مع شيء يحتاج إلى تنبيه، وهو سورة الرحم. بس من question qui peut lier aux autres. Là, page 38. Il dit, le questionneur, je suis un jeune de 12 ans. Je jeûne, je fais la salat, je lis le Coran, alhamdoulillah. Et j'ai un grand frère, un frère qui est plus grand que moi. J'ai un frère qui est plus grand que moi de 5 ans. C'est-à-dire, il a quel âge? 17 ans. Cependant, il ne fait pas salat, il ne jeûne pas, il ne lit pas le Coran. Et il ne fait que jouer aux jeux de hasard, comme les loteries, ce genre de choses. Les jeux de loterie, ce genre de choses. Et cela fait de longues années qu'il est sur dans cette situation. Et moi, je le conseille, et je lui démontre que cela est une erreur. Et lui, il me dit, toi tu es sur la vérité, ô pauvre de moi, que je n'étais comme toi. Cependant, je ne peux pas me passer de jouer à ces jeux de hasard. Donc que dois-je faire avec lui ? Est-ce que je le renvoie de la maison en sachant que cela va provoquer des problèmes? Donc par quoi me conseillez-vous? Je dis comme l'autre. Le shir dit, ce que tu as cité de ton frère qu'il joue au jeu de hasard, ce genre de choses, et ce qui est pire que cela encore, comme le fait qu'il ne jeûne pas, qu'il ne fait pas cela, qu'il n'y a rien. Hein? Et cela c'est bien pire que de jouer à ce genre de jeu. Car le fait de jouer à ce genre de jeu, de loterie, de hasard, c'est un grand péché. Avec une grande menace pour celui qui l'accomplit. Cependant, le dépassement de la salat est pire encore. Vous voyez, car celui qui dépasse la salat, en reniant son côté, son obligation, ça c'est du kouf avec ijmar, unanime. Le fait que tu délaisses la salat en la reniant, le sujet n'est pas très lef. D'accord ? Il n'y a pas très lève. Par contre, s'il délaisse sa salate tout en reconnaissant son côté obligatoire, mais qu'il la délaisse par fainéantise ou autre, par négligence, alors cela également est un mécréant sur la parole la plus véridique parmi les paroles des ulama. Donc c'est là qu'il y a le khilaf. Là, je veux dire, là où il n'y a pas de khilaf, c'est délaisser la salate juhoud. Kafir. Après le khilaf, c'est celui qui la délaisse en la reconnaissant, mais qui est par fainéantise ou par négligence. Également, il y a celui qui délaisse sa salat, qu'il soit murted ou pas, on l'emprisonne, on lui demande de la refaire, si on veut de la faire, on l'exécute. Comme tu dois le savoir. Également, comme le fait qu'il délaisse le siyam de Ramadan, ou qu'il délaisse un pilier parmi les piliers de l'islam. Cela est bien pire que le fait de jouer au jeu de loterie, au jeu de hasard. Donc, le topo de tout cela, c'est que ce que tu as cité comme atrocité du cas de ton frère, il n'est pas permis de l'agréer, d'agréer sa présence dans la maison. Et que si jamais tu as une autorité dans la maison, et que tu ne trouves pas de conseil, et que tu ne puisses l'empêcher de faire ce qu'il fait, qu'il accomplisse sa salat comme Allah lui a rendu obligatoire, et qu'il évite ce que Allah lui a interdit, alors si jamais tu as l'autorité dans la maison, il t'incombe de faire en sorte que son mal cesse dans cette maison. Et du fait que cela provoquera des problèmes, ces problèmes-là sont même présents avec la présence de ton frère dans la maison. De toute façon. qui reste dans la maison, c'est un problème aussi. Peut-être plus grand encore. Ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, tu auras des problèmes avec tes parents ou les gens comme ça. Mais là, si tu laisses cet homme dans la maison, c'est avec Allah que tu peux être éprouvé. Donc, c'est quoi le plus grand? Même d'autres choses. Tu vois. Donc, le fait qu'il reste dans cette maison, alors qu'il ne jeûne pas, qu'il ne fait pas salat et qu'il joue à ce genre de jeu, cela est un plus grand problème que ce que tu pourrais subir si jamais tu le virais dans la maison. D'accord? Donc, s'il t'est possible de régler le problème par l'exhortation, les bonnes paroles, de façon convenable, et d'interdire le blâmable, et que cela influe sur sa réforme, et sa tauba, alors, ne sois pas négligent, c'est-à-dire, vas-y, investis-toi dans la chose, conseille-le. Et ne désespère pas de sa guider. Par contre, si jamais tu vois que cela ne sert à rien, alors la meilleure chose, c'est de te séparer de lui. D'accord ? Te séparer de lui. Autre question. Ici, il y a, on dit mujtama'at, comme une forme de, je sais pas si ça veut dire société ou un milieu de gens, tu vois, dans lequel il y a de l'irtilat. Est-ce que le musulman se permet de rester là-dedans alors qu'il n'est pas en mesure de changer la chose? Et également, qu'il se prive de servir wasail illahu, yani ils veulent dire ou les instruments de musique ou les distractions futiles. De toute façon, à la base, instruments de musique, ça en fait partie. Mais yani, doit-il se priver de ce genre de choses? Donc il dit, le shir, aucun doute que la plupart des lieux de vie des gens dans le monde entier ne sont pas épargnés de toutes sortes de troubles, de tentations. Celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé quelle doit être la position du musulman dans ce genre de situation. Donc dans ce genre de cas, le musulman doit avoir une bonne position, réelle. Et que si jamais il doit se mélanger à ce genre de situation, il est présent au milieu d'elle, et qu'il peut changer quelque chose, et qu'il a l'appel Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à la vérité, alors cela est une chose qui est attendue de lui. D'accord? C'est une chose qui est attendue de lui, qu'il agisse de la sorte, qu'il change de monde car, s'il peut le faire, et qu'il appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est parmi les objectifs de la da'wah. Cependant, s'il n'est pas en mesure de le faire, et que cela influe sur lui, le mal qui est autour de lui, le fait qu'il se mélange à cet environnement, cela le met en péril, le met en danger, alors il doit partir. Aller dans un autre endroit, une autre contrée, dans laquelle il peut, on va dire, mieux aviser, et mieux se comporter, et mieux faire face. Et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera plein d'occasions. كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui craint Allah, il lui trouve une issue, on lui donne une issue, il lui accorde une issue, on dira, et qu'il lui accorde sa subsistance d'où ne s'attend pas. Donc la personne ne croit pas qu'elle soit, si elle part, qu'elle va tout perdre, en fait, dans le sens. Qui change de lieu, il ne s'imagine pas que c'est une khassara pour lui. Que Allah est en mesure de lui donner tout ce qu'il veut, du moins tout ce dont il a besoin ailleurs. Et qu'après la difficulté, ce sera la facilité. Qu'après l'affection, ce sera le soulagement. Qu'il doit avoir un beau souffle envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il remette sa confiance en lui et qu'il le craigne. Que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà promis cela et que Allah n'en fera jamais sa promesse. D'accord? Après, il cite que les voyages vers les pays des koufars contiennent de grands dangers pour le digne de la personne. Si la personne n'est pas contrainte d'entreprendre ce voyage, elle dit que ce n'est pas un voyage de daroura. Et par contre, si c'est une daroura, alors il doit craindre Allah en mesure de ses capacités. Wa taqullaha mastata'tum. Et craignez Allah autant que vous le pouvez. Donc celui qui se jette de lui-même dans le danger et qui ne prend pas les causes de protection et de prémunité, c'est celui-là qui se perd. D'accord ? C'est celui-là qui se perd. Quant à celui qui fait face au danger en ayant pris les causes pour se protéger par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il se tienne sur son obéissance et qu'il s'éloigne du mal autant qu'il peut, celui-là, de fortes chances que Allah le préserve et lui accorde le succès. L'autre question d'après, on la passe, c'est une question aussi par rapport au fait d'être présent dans les lieux où il y a des péchés. Là, c'est une personne qui fréquente des gens qui fument. Ça arrive au même. D'accord, ça arrive aux mêmes choses. Donc, pour l'instant, si tu ne restes pas avec eux. Une question après, d'une femme qui dit, je suis une femme mariée depuis 5 ans. J'ai une seule fille. Et je remercie Allah grandement, je le loue grandement. Là. 42. Je le loue grandement de m'avoir mis du nombre des musulmines dans un pays d'islam qui applique les règles de la religion. Et qui ne craint pas en Allah le reproche de tout blâmeur. Et je suis soucieuse de ma religion. Car auparavant, avant mon mariage, j'écoutais la musique. Mais après avoir eu connaissance que cela était illicite et haram, alors j'ai délaissé. Car on ne peut lier entre joindre entre l'hymen et l'écoute de la musique dans le cœur d'un mu'min. Donc j'ai tout délaissé et j'ai fait tawba. Et pour me délaisser toute forme de ria, d'ostentation ou de désir, de réputation. Non, elle n'a pas dit soma, elle a juste dit ria. Elle a dit qu'elle a fait tawba de toute forme de nifaq, d'arrive ou de ria. Non. Cependant, j'ai 5 frères. Petit frère, dont le plus petit a 12 ans et le plus grand a 30 ans. Également mon père, qu'Allah les guide, il ne faut pas la salate, ne jeûne pas. Et mon père cultive des gains de riba, tout son argent vient de riba, de l'usure. Et qu'Allah n'a mis aucune baraka dans ses biens. Car tout cet argent part dans des choses qui sont futiles, qui ne servent à rien. Comme les films, on va dire à connotation sexuelle, comme la télévision. Dans chaque chambre, il y a une télé. Et malgré tout ce qu'il possède comme richesse, comme millions, on ne voit que de la tristesse dans notre mode de vie. Et malgré tout cela, on est triste. Et une dure pauvreté. Que tout son argent part également dans l'alcool. Et à chaque vacances, ou on va dire chaque congé, que ses congés, il les passe à bord de l'alcool. On va dire comme ça. Tout son temps libre qu'il a dans le travail, il le passe à bord de l'alcool. Donc la famille se voit, il part en des lieux pour aller boire de l'alcool en fait. Je pense. C'est ça qu'elle veut dire. Donc la famille se voit divisée. Et que lorsqu'il est présent, également, il frappe les membres de la famille à cause de cette ivresse. D'accord ? Donc la question, que dois-je faire avec eux ? Car j'ai peur pour eux qu'ils ne rentrent au feu. Car ils sont mes frères et ma famille. Et je ne cesse de demander pour eux la guidée et la droiture dans chaque salat. Et j'espère, ou j'ai espoir des centres de ceux qui prennent en charge l'interdiction du blâmable et l'obligation ou l'ordre du convenable. Tu sais, il y a une... ça va être en Saoudi, je pense. Vous êtes police spéciale pour ça. Tu vois. Donc, elle espère de cette fondation, tous ces gens, qu'elle envoie des gens dans les masajid pour, là je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, pour faire des remontrances, je pense, ce genre de choses, par rapport aux gens qui n'assistent pas à la salat en jamaa et qui se rendent vers eux afin d'être une cause pour leur guider. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala écrive de leurs mains la guider pour eux. Qu'elle a vos récompenses. Donc il dit, Hifzallahu ta'ala, l'obligation sur le musulman, c'est qu'il se précipite à faire tawba de tout péché. Voyez, qu'il ne persévère, qu'il n'insiste pas ou qu'il ne perdure pas dans le fait de les commettre. Qu'il explique que la mort lui parvienne alors qu'il est en train de commettre ce genre d'actes. Et cela lui cause une entrée au feu. Le délaissement de la salat, c'est du kufr. Et le fait de boire de l'alcool, cela est de la perversion du fisc. L'obligation est d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Surtout en ce qui concerne. En ce qui concerne les proches parents. Allah, dans le Coran, il dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara. Oh, vous qui avez cru, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens ainsi que les pierres. Wa qala ta'ala wanzir 'ashratakal aqrabin, et prévient tes proches, on va dire ta famille plus proche. Wa qala ta'ala wamur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha, et ordonne à ta famille d'accomplir la salat et perdure dessus, patiente. Donc le wajib pour la questionneuse par rapport à son père et à ses frères, qu'elle perdure, qu'elle continue dans le conseil avec sagesse et la bonne exhortation. Qu'elle ne désespère pas de leur guider. Et qu'elle recherche de l'aide auprès de ses autres proches ou les voisins afin qu'ils les conseillent. Et que si elle est en mesure de pouvoir informer justement cette structure, cet organisme qui appelle au convenable, à l'interdit, qu'elle le fasse, qu'elle informe de leur situation. En vue justement qu'ils se tiennent sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils délaissent les désobéissances. Et cela est une chose qui est obligatoire. Et Allah est plus savant. Ensuite, une autre question où il parle justement de le fait de maudire une personne en particulier. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres questions. Et le chien lui voit qu'il n'est pas permis de prononcer le fait de maudire. Et comme on l'a dit, le fait de maudire, ça peut être aussi insulté. Et également, ce qui est intéressant qu'elle dit dans cette question, c'est qu'il dit qu'il n'est pas permis de maudire le croyant, tout être humain, on va dire, ni les animaux, et ni les demeures, les maisons. D'accord ? Car cela ne convient pas aux musulmans. Ah, c'est le khulasa de la question. Tayyib. Donc après qu'il ait eu des questions se rapportant au comportement à voir avec les gens des Marassi, là c'est des questions relatives au voyage chez les koufars et les échanges à avoir avec eux, le comportement adopté avec eux. Attends, j'aurais bien aimé qu'il le... Donc nous disions, cela va être par rapport aux relations à entretenir avec eux. Entretenir avec eux, comment se comporter avec eux, qu'est-ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Pour ne pas justement tomber dans l'alliance avec eux. Parce que des fois dans le livre, il m'est arrivé de dire, traduire mawala par amour, mais en vrai, mawala c'est plus alliance. Minel wala. Alors, des fois juste par, on va dire, par précipitation, je disais amour. En fait, c'est le terme le plus proche, c'est alliance. Attendez, donc il dit Mu'amalat les kuffar wa safar li biladihim wa dukhulihim bilad l'islam. Comportement donc à avoir dans les voyages vers un pays, ou également leur entrée à eux dans les pays d'islam. Attendez. Donc il dit, première question, nous avons des voisins de certaines familles de pays de Pologne. Et ils sont de bons voisins dans le sens. Ils ont un bon comportement avec nous. Et nous également. Nous est-il possible de nous mélanger à eux, de façon familiale, de les fréquenter, de s'inviter à manger? Et cela du fait qu'ils respectent notre religion et ils ne font rien comme mal. Donc est-ce que cela nous est permis? Donc il dit, le shir, il ne convient pas de se mélanger aux koufars, ni de s'accoutumer à eux, et ni de s'apaiser de leur présence. Même si c'est des voisins. Cependant, le voisin, on se comporte bien avec lui. On ne lui fait pas de mal, même si c'est un kafir. Car les voisins sont de trois sortes, trois catégories. Déjà le voisin qui a trois droits. C'est le jar, le voisin qui serait un musulman et un proche parent. Donc lui, il aura trois droits. Le droit de famille, même de parenté, le droit de l'islam et le droit du voisinage. Ça c'est premier, première catégorie. Deuxième catégorie, le voisin qui a deux droits. C'est le voisin musulman, mais n'étant pas parmi tes proches parents. Donc lui, il aura deux droits. Le droit de l'islam et le droit de parenté. Troisième genre de voisin, celui qui a un seul droit. C'est le kafir. D'accord? Lui, il a le droit de voisinage, c'est tout. Mais souvent, je pose la question, enfin, j'ai déjà posé la question, on m'a pas répondu. On peut avoir une quatrième catégorie. Le voisin kafir qui est proche. Par exemple, ton père, ton frère, ton grand-père, un proche parent kafir, qui est ton voisin. Il aurait deux droits. Le droit de bonne parenté et le droit du voisinage. Et celui-là, il ne le cite pas. À chaque fois, ils disent trois catégories. Et celle-là, apparemment, tu vois, je ne sais pas si elle rentre dans une de ces catégories-là, mais normalement, elle sera à prendre en compte. Surtout dans ceux qui sont convertis, qui vivent en pays d'islam, il peut y avoir un de ses proches parents qui est voisin. En tout cas, il ne le cite pas. Allez. Donc après, il dit... Donc il dit, il ne convient pas de nuire à ton voisin, de lui faire du mal, de lui faire du mal, de lui nuire. Mais quant au fait de le fréquenter, de le côtoyer et de l'aimer, cela n'est pas permis. Il y a un lien entre le musulman et le kafir. D'accord? Car il se peut qu'il influe sur toi par la suite. Justement, s'il est gentil, ça aura encore plus de facilité à t'avoir. Parce qu'il est gentil avec toi, il est aimable, il est courtois, il est poli, donc ça rentre dans ton cœur. Tu auras de l'affection pour lui, forcément, ça va jouer. Tu vois? Ah, mais les fruits de la politesse, justement, c'est de pouvoir, justement, mettre un lien avec les gens. C'est ça, la politesse. Donc tous les jours, les gentils, polis avec toi, courtois. Tu vas être attaché avec. Tu vois? Donc il a dit, pour ça, faut pas le fréquenter. Mais tu lui rends son droit de voisin. Ne pas le fréquenter, veut pas dire non plus lui faire du mal. Tu vois? Là, il frotte ou ratafrite. Le juste milieu. Je ne t'aime pas, mais je ne te nuis pas. Dans ton coin, moi dans mon coin. D'accord? Et des fois, si, par exemple, tu as une akika, tu peux lui donner un bout de viande. Tu vois? Tu as une walima, tu peux lui apporter à manger. Tu as l'id, tu lui donnes un bout de viande. Mais des choses qui sont propres à ta religion pour l'attirer. Tu comprends? Pour l'attirer. Et que lui soit dans ton domaine à toi, pas toi dans le sien. C'est pas toi, il y a un match, tu vas chez lui, non. Tu vois? Mais demain, il y a un truc avec les muslimines. Ils sont là, il vient. Et là, tu fais darwa. Tu l'invites, par exemple, s'il veut bien venir. Il y a d'autres frères qui sont là. Des frères mustaqimoun, pas, tu ramènes pas des quelques bizarres. Faut pas mettre des chouboîtes au kafir. Dis, regarde, lui, il est pas comme vous, lui. Tu vois? Tu ramènes que des frères fermes, forts, en sunna ou quoi. Tu fais, viens, si tu veux venir. S'il a courage de venir, viens. Et là, les frères, ils montent un bon comportement, ils font darwa. Ils partent de l'islam. Au fur et à mesure, peut-être qu'ils seront rien sur un. Mais si tu l'amènes, amène-le toi dans ton camp. Pas toi, tu vas chez lui. Et c'est pas tout le temps, c'est à des occasions comme ça, comme l'Eid, ou une walima, ou un mariage. Mimbeb et Darwa, qui voit c'est quoi l'islam, il entend des musulmans entre eux. Et toi, tu t'arranges que lorsqu'il vient, il n'y a que des gens en arrêt. Tu vois? Pas il vient, il y a la mixité, ou il y a la musique, il y a non, ça, tu vas tout éclater là. Tu l'amènes, à un moment, tu sais que tu auras un khay qui va se faire. Avec des frères, l'arrêt. Nam. Ensuite, deuxième question. Allah Moustaha. Deuxième question. ما هو الأسلوب الذي نقابل به الكفار الذين قدموا إلينا؟ هل نعاديهم أم هل نقابلهم بالخلق وندعوهم إلى الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. Donc il dit c'est quoi le comportement à avoir avec les koufars qui viennent dans le pays. Comment se comporter avec eux? D'accord? Est-ce qu'on fait preuve de bon comportement? On les appelle à l'islam. Donc il dit, si jamais ils viennent dans le pays et qu'il y ait le pacte de sécurité, l'accord de sécurité qui a été fait, alors il ne faut pas leur faire de mal. Hein? Il faut être juste avec eux, équitable. Juste ce qu'ils repartent dans leur pays. Car le fait qu'un kafir rentre dans un pays d'islam, avec accord du gouvernement et promesses de sécurité, il ne faut pas le nuire, il ne faut pas le toucher. Donc il faut se comporter avec eux de façon juste. Pas d'injustice. On leur rend leurs droits. Mais cela n'inclut pas qu'on les aime, comme on le dit à chaque fois. Cela n'inclut pas l'amour. Le fait qu'on le déteste également n'implique pas qu'on leur fasse du mal. Car dans le cœur, tu ne l'aimes pas. Mais tu lui rends son droit. Tu ne le nuis pas. D'accord? Tu ne le laisses pas. Tu ne l'agresses pas. Et tu l'appelles à l'islam. Comme a dit Ta'ala, Wala jilimannakum shana'ankumin ala ala ta'adilu. Et adilu huwa akrabul taqwa. Donc la haine pour un peuple ne nous amène pas à devenir injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la taqwa. Il dit cependant, dans le futur, il nous incombe de ne pas les recevoir. À la base. De ne pas les recevoir. Et on les remplace par nos frères. Par exemple pour le travail. Parce que beaucoup, comme tu le sais, ils ramènent des employés d'autres pays. Lui il dit non, justement. Et dans une autre question, je ne la lirai pas, mais il le dit dans le même livre, justement en faisant ça, on mange le pain de nos frères. Un kafir il vient faire un travail alors qu'un autre frère aurait pu le faire. Donc lui on le délaisse et on prend un autre frère à la place. Il vient dans le pays et toi travaille. Le kafir on reste où il est. À part dans les cas spécifiques où il n'y a que le kafir qui a l'expérience, on a besoin de lui. Là c'est autre chose. Mais demain, tu as plein de boulons pays d'islam. Les gens ramènent des koufars, on regarde par exemple, je sais pas moi, comme t'as des mèches, les Philippiennes là qu'il y avait au Mustachwa de Farda. Pourquoi des Philippiennes? Amène des sœurs musulmanes, elles viennent, elles font le travail. Pourquoi celle-là là? Pourquoi ces mouchites 4? Pas besoin. Et leur travail, c'est pas un truc de fou qu'elles font. Toute infirmière peut le faire. Donc tu ramènes une femme dans notre pays, si vraiment il n'y a pas des ministres qui peuvent le faire, plein de femmes dans les pays d'Islam qui veulent travailler. Et encore, même pas, parce que comment c'est l'hôpital, c'est Irkenat. Ok, même pas. On dit un hôpital qui est bien structuré, où les femmes ne sont pas que les hommes ou quoi, ramène des femmes. Si elles veulent travailler, avec leur mahram et tout, et elles travaillent là, c'est travailler, tant que ça tombe pas dans le haram, et qu'elles puissent garder leur hijab, et faire leurs obligations religieuses. Ma fille mania. Ah bah, tu prends des koufars et tu me laisses tes frères au chômage? Ça non. Ou pareil, comme on disait l'autre jour, qu'on accueille le kafir, comme il faut quand il vient en pays d'islam, on refoule le musulman moustakim. Là, c'est une zulm mahd. Là, c'est une pure injustice. Le frère va faire un hijra, il vient avec ses frères musulmans, on le rejette. Et le kafir, il vient faire le fardon, on l'accepte. Tu vois, ça, c'est pas marcoul, ça. Voyez. Ensuite. Question. Aujourd'hui, on a beaucoup d'échanges commerciaux avec les koufars. Dans la vente et l'achat. Quel est le jugement qui s'en rapporte? Et quel est le jugement par rapport aux bénéfices qu'on en tire dans nos commerces? Car il parle du bénéfice, le fruit du commerce qui est lié entre lui et le kafir. D'accord? Est-ce que cela est halal ou haram? Donc il dit, les échanges commerciaux avec les koufars, les mouchriquines, les kitabiyines et autres, tant que cela est permis et qu'il n'y a pas de débat, et ni de maïsar, qui amène au jeu de hasard, ce genre de choses, comme par exemple, je sais pas moi, des assurances, mafalen, ce genre de choses, il dit, et qu'il n'y a pas de choses qui amènent dans cette vente de produits illicites ou quoi, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce qu'on vende ou qu'on achète avec les koufars, dans les limites de ce que Allah a rendu permis. Hein, dans les limites de la charia islamia, la législation islamique. Quant au fait d'avoir des échanges avec eux dans ce que Allah a rendu illicite, d'accord, dans tout ce qu'il a cité auparavant, cela n'est pas permis aux musulmans. Et ni qu'ils le fassent ni avec le kafir, et ni avec le musulman. C'est pareil. Ce qui est haram, c'est haram pour les deux. C'est pas genre, on va dire, ouais, bon, je peux pas vendre, je sais pas moi, faire de trucs de riba avec le kafir, je vais faire que le musulman fait non, avec personne, le riba, haram mutlaqan. La ma'hada, voilà, ma'adak. Et cet argent-là qui est le fruit du haram, il n'est pas permis de s'en servir. Ni d'en manger, ni de le consommer, ni d'en faire quoi que ce soit avec. Taïeb. Ensuite, autre question. Il dit, votre cher, certains se rapprochent des koufars et s'allient à eux, avec eux plutôt, sous prétexte qu'ils comprennent bien les choses. Plus que nous, que les koufars sont plus compréhensifs que nous. Donc comment se comporter avec une telle personne? Il dit, le fait de les aimer, cela n'est pas permis. D'accord? Car ils sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui c'était le verset, la tajidouko manu nabilay wa l'umakhir. Donc il n'est pas permis aux muslims d'aimer le kafir. Quant aux choses qui sont permises, les échanges de choses permises, il n'y a pas de mal. D'accord? Si le kafir il a un tijara, un commerce, cela, il n'y a aucun mal en cela tant que les choses vendues ne sont pas illicites. Naam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a eu des échanges commerciaux avec les Yahoud. Il a acheté d'eux. Il s'est même endetté auprès d'eux. Il a même une dette auprès d'un kafir, t'as le droit de le faire. Tant qu'il n'y a pas de débat dedans, qu'il n'y a pas de mukharafat. Ou également, si jamais ils ont de l'expérience dans un domaine particulier que tu n'as pas toi, tu peux te servir de leur expérience. Cependant, il faut. Cela n'est pas que tu les aimes, pour que tu les éloges, ou que tu les élèves. Et tu lui donnes sa paye. Si jamais tu l'emploies pour un travail que lui, c'est capable de faire, tu le donnes son droit, il fait son travail, tu le payes. Fakat. Tout en gardant le bourg dans ton cœur pour lui. Tu ne l'aimes pas. Bel relax. Tamam. Il dit, question, quel est le jugement de celui qui a peur de l'animosité des koufars, des mouchriquines, donc il se met à les flatter pour cela, dans certains de leurs mauvaises actions. Ils font des actes de mal et lui les flatte. Comme on dit, il les caresse dans le sens du poil. Il les courtise. Après, courtiser, c'est pas la façon. Courtiser, on peut dire courtiser, ça veut dire draguer aussi. Et la courtoisie, le fait de courtiser quelqu'un également. Chez l'ancienne, courtiser, c'était un peu comme, dans le sens un peu de vouloir plaire, mais comme un homme avec une femme. Allahu a'lam. À la couline. Il dit qu'il fait cela par peur d'eux, et non pas qu'il les cautionne, ni par agrément. Donc lui, le shir, il dit, qu'il n'est pas même musulman de flatter les koufars sur le compte de sa religion. Qu'ils soient d'accord avec leurs actes. Car il se peut que leurs actes soient du kouf et du shirk. Et parmi les grands péchés. Donc il n'est pas permis de s'accorder avec eux et de participer avec eux dans cela de son propre choix, son propre gré, mais plutôt qu'il lui incombe de faire apparaître sa religion. C'est-à-dire, ce café lui fait un truc de mal et que ta religion s'y oppose, tu lui montres. Par exemple, je sais pas, tu es invité, il boit de l'alcool, il n'y a pas, tu flattes. Tu ne restes pas assis avec lui, c'est en bas, la salam. Et il dit, il n'est pas permis de résider avec les koufars et de rester dans leur pays. À part avec une personne qui aurait la capacité de faire d'extérioriser sa religion, comme on l'a dit. Comme le fait d'en donner le convenable et d'interdire le blâmable. D'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est le fait de faire apparaître sa religion. Et ça s'explique bien encore ce qu'il disait au début. C'est qu'il da'i l'Allah qui peut rester là-bas et faire da'wah. Là, des éléments nouveaux qui viennent, qui montrent qu'il peut ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc nous, on voit que nous, c'est pas possible en France. Quand les fa'id, ils écannent. لا يستطيع ذلك وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار. Donc s'il ne peut pas faire cela, il est obligatoire de partir du pays de Kufar pour aller chez les musulmans. Donc là, pour pas que des gens jouent avec la facture de Cheikh Fawzan, dire on peut rester, on fait da'wah. Là, d'autres questions viennent expliquer et commenter un peu plus les conditions qu'il a voulu émettre pour la permission de rester dans le pays de Kufr. Donc il ne reste pas là-bas, comme il dit, sur le compte de sa religion, de sa aqida. Quant à celui qui est sous la contrainte, ça c'est un jugement spécifique. Celui par exemple, qui a été contraint, forcé de laisser apparaître une forme d'agrément pour leur kufr, ça c'est min haq ad-darura. Ça s'appelle al-ikrah, comme tout ça. Comme a dit Ta'ala, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Celui qui a mécru en Allah après avoir eu la foi, hormis celui qui aurait été contraint tout en ayant un cœur apaisé par la foi. Cependant celui qui s'en est réjoui, c'est-à-dire qu'il a fait délibérément, ceux-là auront la colère d'Allah et ceux-là auront un châtiment énorme. Donc il dit, est-ce qui est permis dans le fait, dans l'ikrah, c'est la parole et non pas l'agrément du cœur. De toute façon, on ne peut pas te contraindre dans ton cœur. On peut te faire dire du kouf, on peut te faire du kouf par tes gestes, d'accord, sur la menace, mais dans ton cœur, quelqu'un va te dire je te force à me croire dans ton cœur. Bah, rentre dedans et essaye. Tu n'y arriveras pas. Tu peux me tuer, je peux faire des actes apparents, dans mon cœur, tu ne pourras pas. Et celui dans son cœur qui l'agrée, khalas, il l'a mécru. Là, c'est autre chose. Qui peut prendre ton cœur et te contraindre à avoir une croyance dans ton cœur? On ne peut pas te contraindre à avoir une croyance dans ton cœur. Personne ne peut y arriver. Parmi les créatures, personne ne peut y arriver. Tout comme on ne peut pas contraindre le munafiq, par exemple. C'est quoi le truc? Un munafiq dans un pays d'islam, on va le contraindre à appliquer les shalia. Mais est-ce qu'on peut rendre dans son cœur et on le force à croire? On ne peut pas. Nous, ce qu'on demande, c'est en apparence, tu te tiens droit. Après ton cœur entre toi et Allah. Si t'es un munafiq, Allah va s'occuper de toi. Mais nous, en pays d'islam, tu fais tes salawat, tu fais pas de riba, tu fais pas de zina, tu voles pas. Tant que tu fais ça, khalas, on se comporte avec toi comme un musulman en apparence. Après, si demain, dans ton cœur, tu caches le kouf ou autre chose, Allah, il va mettre des indices qui vont voir pour toi, on voit que t'es pas normal. Et tant que t'as pas fait un truc salih, wadih, qui démontre cela, on se comporte avec toi comme un musulman. Mais on peut pas prendre l'imen et le mettre dans ton cœur et te forcer à croire. On peut pas. Personne ne peut le faire. Ça vient d'Allah. D'accord? Donc c'est pareil. Là, de ce côté-là, de l'autre. C'est-à-dire le mu'min, on ne peut pas le contraindre à mécroire dans son cœur. Tout comme le kafir, on ne peut pas le contraindre à croire dans son cœur. Mais on peut le contraindre à certains actes. Par exemple, un kafir qui est en pays d'islam, tu lui interdis de faire des choses. Il a la sécurité et tout, mais il ne fait pas tout ce qu'il veut. Tu vois, c'est pas une balade tout nu, en short, tu vois, ou une femme dévoilée, tu vois, dans un pays où il y a la chalière, hein, vraiment. Pas, tu vois. C'est pas dans la rue avec sa bière ou sa cigarette comme ça. Ma cigarette maintenant, la moustache, tu vois. Mais genre, je sais pas, en Saoudi par exemple, tu verras pas un kafir qui se mange une bière, jamais. Si il fait ça, dans sa maison, personne ne le voit. Dans la rue, Abadan. Donc même s'il vient en sécurité, attention, tu fais pas ce que tu veux, t'es pas chez toi ici. Donc voilà ce qu'il disait. Ensuite il dit, quel est le jugement dans le fait de viser les koufars et d'accepter leurs cadeaux et d'assister à leurs funérailles, leur enterrement, et de les féliciter lors des occasions. Les leurs, on va dire. Donc il dit, la visite du kafir en but de da'wah, cela n'y a pas de mal. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité son oncle paternel, Abu Talib, c'était avant de mourir, même avant, pour l'appeler à l'islam. Il a visité les enfants juifs aussi, qui étaient sur le point de mourir. Il lui dit, la shahada, le fils de son père, il a dit Anti Abul Qasim. Oubliez Abul Qasim. Après, il a fait la shahada. Il dit Alhamdulillah, l'azi anjahou min an-nar. Qu'Allah soit loué, celui qui l'a sauvé du feu. C'est petit. Pour la da'wah, il n'y a pas de mal. Même c'est un khir. Quant au fait de le viser pour visite, on va dire amicale, de courtoisie, ce genre de choses, cela n'est pas permis. Car il est obligé de le détester et de le boycotter. Par contre, il t'est permis de recevoir leurs cadeaux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des cadeaux de la part de certains koufars. Et qui n'est pas permis, par contre, de les féliciter pour leurs occasions. Pour leurs fêtes. Car cela est une forme d'alliance envers eux. Et un agrément de leur fausseté. Ou de leur faux. D'accord? C'est pas comme on l'a dit la dernière fois, tu vas, tu leur dis bonne année, joyeux Noël, joyeux Pâques. Ce genre de choses. Ou la France est championne du monde à la Coupe du Monde. Ça, pareil. De toute façon, à la base, même le muslim, hein, c'est pas genre demain, je sais pas, le Maroc qui gagne, tu cries ouais, t'es content, tu fais, t'appelles la finesse. C'est un ballon. Ça, c'est un monde car. C'est un monde car, c'est pas t'es content et tout. Taillé. Donc, ça, c'est la question. Il dit qu'il y a le jugement quant au fait de faire preuve d'animosité sur les koufars de la pays du muslimine. C'est-à-dire de les frapper ou de les tuer à cause de ce qu'ils font comme désordre et comme perversion. C'est-à-dire le musulman, le kafir, on paye d'islam, il fait du fisc, il fait du façade, est-ce qu'on peut le tuer ou le taper? Il dit, cela n'est pas permis pour celui qui est entré chez les musulmans avec le pacte et l'engagement du gouverneur qui sont en sécurité. D'accord? On ne doit pas trahir le pacte. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés de remplir nos engagements. Quand le ta'ala, وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ مُشْرِكِينَ مُسْتَجَارَكَ فَأْجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُمْ مَأْمَنَهُ. Vous voyez, si jamais l'un des mouchriquines a une bonne protection, alors, ou hébergement, alors héberge-le, et c'est ce qu'il entend d'apport d'Allah, et ensuite, ramène-le à son lieu, là où il est en sécurité. Donc si tu t'engages à faire ça avec lui, tu vas le faire jusqu'au bout. Par contre, si jamais il commet un acte qui amène à ce qu'il subisse une sentence, alors cela, c'est les gouverneurs qui s'en chargent, pas toi. D'accord? Il n'est pas permis aux gens du commun, on va dire aux citoyens du pays, de se charger de cela. Mais tu l'emmènes aux autorités. D'accord? Car cela peut amener beaucoup de désordre. Et après, de la récidive de leur part. De l'autre côté. Par exemple, demain, un chrétien, il est dans un pays d'islam, et les gens dans la rue le frappent, parce qu'il a fait, je sais pas, l'abus de la bière. Faire salam. Que penses-tu qu'il va en découdre, par la suite? Il va se plaindre. Direct TF1. Un chrétien était agressé par les musulmans de tel pays, juste du fait qu'il buvait une bière dans la rue. Donc qu'est-ce qui se passe? Plainte sur le pays, et après problème, diplomatique et je sais pas quoi. À la base, c'est lui qui a tort, hein. On ne défend pas. Mais ton acte à toi peut amener à des mauvaises conséquences. Comme ce que les gens font comme attentat terroriste. Ou comme soi-disant vengeance de ce qui se passe en Palestine ou autre. Ça mène que des problèmes. Aller brûler une synagogue, ça va pas sauver tes francs palestiniens. Ça va rien leur apporter. Ça va juste apporter quoi? Des moudriyakot sur les musulmans dans le pays où tu es. C'est tout. Et mauvaise da'wa. C'est tout. Aller taper les petits juifs dans la rue, ça va rien apporter. Mais non, ils t'agressent, tu te défends. Mais demain, t'entends qu'ils ont fait une agression en Palestine. Tu vas dans un quartier, je sais pas, rue des Rosiers à Paris, là, pour aller attraper un petit Jonathan et le tabasser, ça va rien apporter. Ou brûler un magasin d'un juif, ça va rien apporter. Au contraire, tu fais du mal plus qu'autre chose. Et lui, même si lui il cautionne, c'est pas lui qui a fait le. Il est pas là-bas, lui. Lui il cautionne, il a chèque. Mais à la base, Shalhan, il est innocent, il est en France dans son truc, il a rien à voir, on va dire physiquement et quoi dans ce qui s'est passé là-bas. Donc, Shalhan. Tu vois, chanou. Toi, tu veux détruire en Palestine? Déjà, deviens droit. Vous voyez? Deviens droit. Pieux. Fais les doigts pour eux. Lève-toi la nuit. Jeûne. Quand tu jeûnes, alhamdoulilah, le doigt est exaucé. Lève-toi la nuit. Avoir le salawat, maktouba, avoir le nawafil, j'taïd fil ibada. Là, c'est un gros sebet que tu fais pour lui. Est-ce qu'ils font ça, les gens? Non, ils vont dans la rue, ils vont crier. Avec des pancartes. On dit, viens là, c'est le dhor, il y a eu l'azan. Bon, en France, on n'entend pas l'azan, mais. Fais 4 à la 4 avant dhor et dans le soujoud, invoque Allah. Non, ça sert à rien, ça sert à rien. A'ouz billah. Justement, ça c'est l'heure où il s'est jamais de dhor. Tu lui dis, lève-toi le troisième de la nuit. Même de la 4 à la fin, tu les fais, fais-les. Tu le fais ça? Non, ne le fais pas. Et tu vas crier dans la rue. Eshan Farouk. T'es à l'exemple de quelqu'un qui veut faire une maison. Hein? Il y a avec tous les outils pour détruire. Tu sais, avec le truc avec les grosses boules là, avec de la dynamite. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire une maison. Avec de la dynamite? Non, non. Il faut faire des fondations. Il faut amener des blocs, du ciment. Pas des trucs pour détruire. Là, tu vas détruire là. Là, tu vas détruire. Tu vas reconstruire là. Pour l'expliquer. Ce que vous faites, ça, c'est à l'envers. Mais là, c'est le Hamas qui parle. C'est la fougue. C'est pas Dit, c'est pas la Akida qui parle. Tu comprends? C'est ça le problème. Le Jeh. Donc, comme il dit, cela peut amener à ce que la chose se retourne contre les musulmans s'ils font ça. D'accord? Donc si jamais ce chrétien qui est là-bas qui boit de la bière, bah, tu appelles la police, tu lui dis, lui est là, il fait ça. Et après, il s'en occupe. Toi, tu as fait ton travail. Mais toi, de ta main là, chal'an, tu peux rien faire, tu vas faire des problèmes. Là, tu reprends dans le hadith, man ramin kumun kolon, fayuré li biyadi. Tu peux pas là. Si tu fais ça, tu vas faire un ankar. Tu vas faire encore plus de mal. Ou un mayajouz, tu as le munkar, bima ou ankar. Tu peux pas changer le mal, pas une chose qui est en façon de faire encore plus blâmable. Donc toi, ce que tu fais, tu vas voir les autorités, tu leur dis, lui là, il fait ça, ça, ça, ça. Baisse. Après, le reste, c'est eux qui s'en occupent. On va s'arrêter là et on finira inchallah le prochain dars. Amen. Et également dans la question, on dit si jamais, donc on disait si jamais ce kafir qui est en paix d'islam fait une chose mauvaise, il sort pas la religion des musulmans ou à l'un d'entre eux, ce genre de choses, ça tu le l'affaire, tu la ramènes au gouverneur, d'accord, aux autorités et ceux qui s'acharnent de lui, biznillah ta'ala. بهذا الكلام نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام أفاق.com